N'importe quelle heure, rentre chez nous, chauffeur, là, ou non. Ça, ça créait bien des tensions à ma femme. Ma femme me disait, elle peut cogner, s'annoncer, téléphoner, faire quelque chose. Ne pas rentrer comme un bulldozer dans l'appartement, parce que c'est toi qui paye l'appartement. Moi, je disais rien. Mais la pression grandissait dans ma femme. La pression montait par montant. Puis j'ai dit à ma mère un jour, j'ai dit, un jour, tu vas venir à l'appartement sans sonner, sans prendre ma femme en considération, puis elle va te crisser dehors. T'es son chuton, je t'ai mère, puis t'es mon fils, puis c'est toi qui paye l'appartement, papa, je te rendrai quand je voudrais. OK. Mais j'ai dit, je te le dis, maman, un jour tu vas venir, puis elle va te crisser dehors. J'ai dit, il faut qu'elle l'accroche, la bonne femme, un jour. Puis un jour, ma mère arrive à l'appartement, puis il y a un type qui rouvre la porte en bas, ça lui a donné une défaite pour rentrer, puis elle rentre dans l'appartement. Et puis final. Ma femme, elle a pris la carrosse de la petite, tu sais, les carrosses, les petites bébelles, là. D'abord, là, t'as guéri. Là, la vibration, il a passé dans le tunnel, là. Là, elle a pris le carrosse du haut de ses bras, a crissé le carrosse à terre, elle l'a défoncé en miettes. Je pense qu'une hache, elle n'aurait pas été capable. Là, elle a pris ma main, puis elle l'a crissé dans la chambre, là, puis elle l'a pogné par les épaules, puis elle a dit, « Calisse! C'est fini! Sors! Wow! » Ma mère n'est jamais revenue à la maison. Jamais. Elle l'a tué net. C'est final! Elle n'est jamais revenue à la maison. Je te l'avais dit. J'ai dit, un jour, tu vas venir à la maison, elle va te crisser dehors. Elle t'a crissé dehors. Puis encore, elle va dire, elle continue encore. Ma mère, elle n'a jamais remis les pieds chez nous depuis ce temps-là. Même pas une fois. Puis laissez-moi vous dire qu'elle s'est essayée. Des détectives, pour savoir ce que fraise. Toute la scène. La pas de liste. Tout bon. Moi, j'ai rentré dans un corps de femme extrêmement fort physiquement. Ma mère, elle a des nerfs assis. Je pense qu'elle pourrait tirer un train du sienneur. Elle n'est pas près de mourir. Alors, moi, j'ai une santé physique. Mais c'est pas un caractère, c'est pas un cadeau. J'ai pas une petite vie comme vous autres. Moi. Des beaux parents, des parents intelligents, des parents sympathiques. Moi, j'ai écouté quand j'étais jeune. Fait que j'ai été obligé très, très, très jeune de couper. Quand j'ai dit, je m'en vais aux États-Unis à 14 ans, étudier aux États-Unis. Là, je partais avec ma petite valise, mon petit chapeau. Les études, en Amérique. Si j'avais une mère, tu sais, comme eux autres, comment est-ce qu'ils s'appellent? Comment ça s'appelle, toi? Manon Lescaut. Manon puis Gilles, là, tes parents. Standard. Moi, avoir une mère de même, je pense que je l'aurais assis sur mon bureau toute ma vie. Je l'aurais nourri à petite cuillère. Sac. Non. Moi, je suis né à travers d'un démon. Mais c'était nécessaire. Je sais ce qu'elle a fait. Elle a souffert à travers de moi. Mais si elle a fallu que je sois faible, au final, là, elle m'a rembarqué. Puis elle pensait que ma femme, parce que ma femme est bien douce, puis bien fine, puis bien gentille, puis patiente, puis super patiente, puis elle patiente encore, après avoir été patiente. Mais quand elle saute, Charlie, autour de là, tout part. Quand elle passe la vibration, c'est le final. Quand ils se rencontrent, là, la bonne femme, elle traverse la vie. Tant qu'elle a peur d'elle. On n'est jamais dérangé. Il y a des gens qui sont incurables dans le vie. Les parents, c'est pas tous des saints. Il y en a qui sont des saints, mais c'est pas tous des saints. Elle est accouchée avec mon père, elle écrissait des coups de pied. Elle donnait des coups de pied. Bosse-toi un peu! Bosse-toi un peu! Heureusement que mon père était un gentleman, parce qu'il l'a vraiment frappé. Il disait, Jane, I'll leave you one day. Va te laisser un jour. Un jour, je vais le laisser. Bosse-toi un peu! C'est scorpion. Elle a des cornes. Elle a des cracks. Un nez pointu. Fantastique comme femme. Incroyable. Ma mère, c'est incroyable. Y en a-tu qui la connaissent? Je vous le souhaite pas. Gisèle la connaît. Incroyable. Plus scorpion que ça. Moi, je suis un lion trip, elle, c'est un scorpion trip. Incroyable. Mais asservie au passage.